on n'a pas parlé de la Ligue canadienne et des Alouettes vendredi, parce que j'attendais, écoute, c'est un bilan qui ne voulait, c'est un match qui ne voulait absolument rien dire, et en plus de ça, c'est dans la différence la plus totale. Quoi qu'il en soit, on va parler, il y a eu le bilan le lendemain, encore bizarre une fois qu'on fait ça samedi matin, ça a l'air de se dépêcher. On en parle avec notre collaborateur Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, es-tu d'accord avec moi que ça fait aussi vite que samedi matin, on aurait pu attendre le lundi ou mardi, me semble. Ça fait évident. J'ai l'impression qu'on veut fermer tout de suite cette année qui a été une année cauchemardesque. Surtout après quand j'ai dit match de Jacques Chabdel, c'était encore pire. Ouais, ben c'est ça. On boucle la boucle de façon à l'image de la saison. Donc, on fait ça de façon un peu rapide. On essaye de se débarrasser de tout ça. On évite quelques questions. Ça faisait très politique, là. Comme entrevue, là, c'est sûr que c'est ça nous laisse sur notre appétit. OK. Là, je vais te poser la question. Regarde, on en a parlé souvent, mais qu'est-ce qu'ils font là, Kevin Sweet? C'est pas de le ramener que j'ai trouvé terrible, c'est de le confirmer aussi vite que ça. Et ça, on en a parlé. Je vais te poser une question maintenant. Son fameux plan, est-ce que tu y crois? Patrick Bovin qui a dit on veut ramener le Coupe Grey à. D'ici 3 ans. Je trouve que, regarde, là, commencez par faire les séries. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas fait les séries. Après ça, on parlera de Coupe Grey. Ben, écoute, on parle de plan. À chaque fois qu'on leur demande c'est quoi le plan, ils nous disent qu'ils nous répondent en disant qu'ils ont un plan. Mais c'est quoi le plan? Ouais. C'est quoi les étapes du plan? On nous a garoché beaucoup de beaux termes très sophistiqués pour nous dire qu'on est en train d'implanter une structure afin d'avoir une organisation qui sera en mesure... C'est quoi le plan? Vous parlez de plan, c'est quoi concrètement? Et puis, on est sorti de cette conférence de presse-là sans réponse. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour nous d'avaler qu'ils nous promettent de bâtir une organisation gagnante dans les 3 prochaines années. Bon, OK. Mais c'est sûr que les actions parlent plus fort que les mots, et en ce moment, c'est que des mots. Non, c'est rien que des mots. Puis là, écoute, ton collègue RDS, Bruno Eppel, en a fait, évidemment, qu'est-ce qui fait le plus plaisir? Je ne sais pas si c'est l'article de Bruno Eppel sur RDS.ca. Évidemment, ouais. Ça commence par un bon entraîneur-chef. Mais est-ce qu'un bon entraîneur-chef veut dire... Est-ce que, bon, là, il y a Devon Claybrooks qui semble le candidat numéro un de ce qu'on peut appeler à travers les branches. Lui, c'est actuellement le coordinateur à l'attaque des Stampeders de Calgary. C'est sûr qu'il vient d'une bonne organisation, j'aurais tendance à avoir confiance. Mais la question que je t'ai déjà posée, est-ce qu'un jeune comme Claybrooks va s'en venir dans une galère à Montréal quand c'est tout croche? Ben, tu sais, ça, on avait eu la discussion, toi et moi, par rapport au sujet du prochain entraîneur. Et ce qu'on se disait, c'est soit... Un entraîneur qui a été entraîneur-chef pendant des années, qui là a pu sa chance, puis a pu les lettres de noblesse qu'il avait, un peu comme Marcel Bellefeuille en ce moment, on sort son nom, hein, Marcel Bellefeuille pourrait être un entraîneur-chef. Bon, ça serait le genre d'entraîneur qui pourrait peut-être venir prendre les rênes à Montréal, qui a déjà eu dans le passé. Et un autre pourrait être un jeune entraîneur qui a pas d'avenir comme entraîneur-chef à court terme dans l'organisation qui est donc Claybrooks à Calgary. On a Dickinson qui est un jeune entraîneur-chef qui performe très bien, qui aura pas de place à Calgary pour devenir entraîneur-chef pour Claybrooks. Ça pourrait être 2 situations possibles à Montréal. J'opterais beaucoup plus pour l'option Claybrooks. De mon côté personnellement, parce que on a un entraîneur qui moi j'ai eu la chance de jouer en plus avec ce joueur-là qui est tout qu'un gentleman, t'es tout un leader, puis je l'ai vu évoluer comme entraîneur, il fait une belle job. Ouais. La seule chose, c'est que je trouve que on envoie un jeune coach sans expérience avec un jeune DG sans expérience et des propriétaires sans expérience. Ouais. Et sans ajouter là-dedans M. Boivin qui en est à sa première année au niveau de la CFL. Dans les hautes directions. Donc, il va manquer d'expérience au niveau de la base, ça, c'est sûr. Non, c'est clair. Et après ça, on parle d'un carrière. On en a fait la démantelature des carrières. T'as Zach Calaros, qui est probablement celui que les gens veulent. Les carrières qui pourraient être intéressantes. C'est Calaros, c'est que lui, quand même, a donné misère. Mes questions, je me pose, est-ce que ça va commencer avec Keller Rose? Est-ce que si on va le chercher, ça va-tu être une autre carrière? Parce qu'on a vu des carrières à Montréal. L'exemple de Kevin Glenn, qui a connu toute qu'une saison à Saskatchewan, qui a connu une très bonne saison, arriver à Montréal puis faire patate. Est-ce que Keller Rose est la solution? Mais Cole Rose est la solution si on a un coordonnateur offensif qui va être Ouais. en mesure de bien l'utiliser. On connaît le succès de Cole Rose. On sait son talent, son potentiel, et ça prend un coordonnateur qui sait bien l'utiliser et il faut l'entourer. Ça nous prend une ligne à l'attaque. Tu sais, il a répété encore une fois, là, je martèle un peu sur la conférence de presse, mais ils ont répété qu'ils pensent que si leurs joueurs avaient été en santé, ils avaient une des meilleures lignes à l'attaque de la CFL. Ben, malheureusement, je pense que c'est faux ce qu'ils disent. Parce que, je veux dire, une ligne à l'attaque, c'est pas seulement cinq joueurs, c'est six, sept bons joueurs, justement pour quand il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui le remplace. C'est ça, une bonne gestion, d'avoir une bonne ligne à l'attaque. Donc, ça va prendre des gens en mesure de mettre ça de mettre ça là, pas seulement en mots, mais en action. Et après, des receveurs de passe. C'est qui les receveurs de passe des Ben, Lewis Alouettes? Jackson qui a connu une très mauvaise année. Lorsqu'on parle de joueurs qui connaissent qui ont connu une mauvaise année, une des erreurs de Kevis Reed, c'en est peut-être une, ça, d'avoir misé beaucoup sur Ernest Jackson. Il n'a pas fait le travail. Et là, est-ce qu'il vaut son contrat, je suis pas sûr. Parce qu'il est très bien payé, lui. Ouais, tout à fait. Puis ça, on en a parlé à plusieurs Ouais. reprises. Ernest Jackson fait partie des quelques erreurs là, de Kevis Reed. Puis c'est difficile encore une fois, là, tu sais, je veux dire, quand on a fait la signature, on a eu la signature de Ernest Jackson dans la saison morte, on n'a pas certaines, tu sais, on n'a pas mis en doute autant qu'on le met en doute en ce moment. Tu sais, on était, ah, bon, on vient d'aller chercher au moins un gros nom. C'est difficile à savoir comment le joueur va s'adapter puis jouer dans sa nouvelle équipe parce qu'il avait quand même connu des bons moments avec Ottawa, mais ça va prendre plus qu'un Ernest Jackson, ça c'est sûr. Et tu sais, le développement des jeunes, je suis allé trouver des Américains, c'est une autre défaillance là, selon moi du côté des Alouettes, c'est trouver des Américains qui vont sortir du lot comme le font les grosses organisations. Il y avait trois joueurs de pratique seulement sur l'équipe de pratique à la fin de l'année. Alors que Bruno Eppel racontait qu'il y en a 12 à 13 ailleurs. Pas Ça bon veut signe, ça, dire que Kevis Reed, à quelque part, là, t'sais, et t'sais, Jim Popp, c'était le temps qu'il parte comme directeur général, mais avec Jim Popp sur l'équipe de pratique, on manquait avec joueurs. avec Jim Pop, c'est une équipe de pratique, on cachait même des joueurs, je Ouais, pense. effectivement. Fait que non, c'est tu vois encore une fois comment c'est mené. Ensuite de ça, j'ai une réflexion que je veux te revenir. Je suis en train de l'oublier sur le prochain entraîneur-chef. Kevis Reed, il a congédié Jacques Chapdelaine parce qu'on sait que Chapdelaine a challengé souvent Kevis Reed. Ça, c'est connu. Est-ce que Kevis Reed est un directeur général qui aime se faire challenger? Je m'explique. Est-ce qu'il va s'engager de go fort ou c'est d'un yes man? Ben, c'est ça, on l'a vu, Ouais. on le voit avec Noel Thorpe et Jacques Chapdelaine, deux individus du même genre, ça a pas marché avec Kevis Reed. Donc, définitivement, Kevis Reed a peut-être de la difficulté à bien gérer des têtes fortes comme entraîneur. Donc, techniquement, ce qu'on veut de Kevis Reed, c'est d'être en mesure de faire bien son travail, qui est de gérer une équipe professionnelle. Donc, si pour lui, ça passe par un entraîneur qui va être en mesure de plus l'écouter, là, c'est lui qui va le choisir, son entraîneur. Là, il n'y aura plus de défaite après, là. T'sais, il ne pourra pas dire, ah, ben là, on m'avait imposé Jacques Chapdelaine, puis ça n'a pas marché. Il va peut-être aller chercher un entraîneur qui, donc, pour ça que moi, je vois la possibilité d'un jeune entraîneur comme Clay Brooks arriver. Sauf qu'il va se rendre compte que Clay Brooks, il a du caractère là aussi. Mais c'est peut-être la meilleure solution pour Kevis Reed et peut-être nous démontrer qu'il est finalement un bon DG. Ouais, voilà. Puis ça, j'en doute fort, là. Deux questions qui me restent, Pascal. Après ça, je vais te laisser, puisque je sais que tu es occupé après ça. Je veux te parler du côté des joueurs autonomes. Alors, on sait qu'une équipe, ça peut revirer vite de bord en signant des joueurs autonomes. Également, un bon recrutement. Les Alouettes vont avoir le premier choix cette année sur l'enclave canadien. Et Dieu sait comment c'est important, un bon repêchage avec des joueurs canadiens. Mais est-ce que les joueurs autonomes vont être intéressés de l'impact qui pourrait chambarder rapidement cette équipe-là? Vont être intéressés de venir à Montréal, sachant qu'il n'y a pas de culture d'équipe gagnante depuis quelques années. Ça fait 3 ans qu'on ne fait pas les séries. Et le centre d'entraînement aussi. Tu sais, on en a parlé souvent, le centre d'entraînement à Montréal, c'est, tu sais, on n'a pas de centre d'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui est nuisible pour les Alouettes pour attirer des joueurs autonomes. Tu sais, c'est pas Oui, bon signe aussi. c'est sûr que il y a des plus et des moins partout. Cependant, du côté des Alouettes, à Montréal, la ville de Montréal est une ville intéressante pour les joueurs professionnels. Ils se retrouvent dans une ville qui a de Plus qu'à l'action, Regina, parce qui qu'à Regina, tu vas me dire que la ville est plate, mais c'est tellement fun, c'est un Rider Nation, tu sais, c'est. Ouais, non, mais c'est ça. Mais n'empêche, c'est ça. Il y a les pour et les contre d'une place ou de Ouais. l'autre. Regina, tu vas là-bas, Regina, ils ferment les restaurants les journées de match parce qu'ils vont tous voir les matchs, là. Tu Ouais. n'auras pas la même action à Montréal, sauf que tu as quand même un engouement à Montréal au niveau professionnel, que ce soit dans les médias et si c'est pas les Canadiens de Montréal, on s'entend, mais il y a quand même une action qui est le fun à Montréal. La ville est intéressante pour les joueurs professionnels, mais la clé qui est la même partout, peu importe que ce soit à Edmonton, Regina, Hamilton, Toronto, c'est le salaire que on va offrir aux joueurs autonomes. Et lorsque tu vas sur le marché autonome, il y a deux raisons. C'est soit pour aller ch chercher de l'argent ou parce que tu sais où est-ce que tu veux aller. Moi, quand j'ai joué au niveau professionnel, j'étais à Calgary et on m'avait offert un contrat à Calgary. J'ai volontairement décidé d'aller sur le marché des joueurs autonomes malgré le fait que Calgary m'offrait probablement le meilleur contrat possible parce que j'avais en tête de venir jouer à Montréal et venir finir ma carrière à Ouais. Montréal. Donc, il y en a des joueurs que c'est comme ça, plus au niveau des joueurs canadiens, je te dirais. Les joueurs en fin de carrière ont tendance à vouloir retourner dans leur ville natale. Du côté américain, un joueur américain, c'est vraiment l'argent qui va déterminer le genre de place que ta décision. Et l'autre aussi, chose qui est peut-être un avantage à Montréal pour avoir vécu quelques expériences, c'est l'aspect hors football. Les joueurs Okay. des Alouettes sont très impliqués dans la communauté, Ouais. que ce soit par des projets comme Adopter une Alouette ou dans les tournées d'école. Ça, c'est intéressant. Moi, pour moi, de revenir dans ma ville natale à ce moment-là, et le côté hors saison était intéressant. Ensuite, mais tu as le côté infrastructure. À Calgary, là, a les infrastructures Ah. incroyables. Il y a d'autres équipes que c'est comme ça. Et c'est sûr que ça aussi, ça peut avoir une influence. Mais la clé, je te le dis, Danny, c'est le salaire. C'est OK. l'équipe qui va offrir le plus gros salaire va souvent gagner Mais la les mise. Alouettes, t'sais, ça va pas si bien que ça. J'ai hâte de voir les Non. pertes. J'ai hâte de voir les pertes financières. On a plusieurs entraîneurs à payer. Cette année, on doit Ah, avoir fini de payer un oui, Dan c'est Hawkins. ça. Dan Hawkins doit être fini de payer cette année. C'est quelque chose de même. Pascal, est-ce que les Alouettes peuvent être relancées avec la famille Whitehall? C'était ma dernière question. Je l'espère. Je l'espère parce que la famille Ouattara a donné beaucoup aux Alouettes, nous a permis d'avoir un club compétitif pendant plusieurs années. Je veux rester positif parce que selon moi, la santé du foot québécois passe par les Alouettes. Heureusement qu'on a des programmes québécois qui performent comme les Carabins, Ah le oh. Rouge et Or, le football universitaire est en santé, mais C'est ça ça nous qui prend notre plus sauve. professionnel. La seule différence, Pascal, ce qui m'inquiète pas, parce que moi, je me rappelle très bien du temps des Alouettes, puis des Concordes, puis Servir Alouette. On en a parlé dans nos chroniques. Il n'y a pas grande différence. Tu parles du football actuellement, cette organisation-là, là, c'était tout. Dans le temps des Alouettes, ça a viré, puis c'était tout croche. C'était à peu près comme ça. Sauf qu'elle n'avait pas la culture du football que tu as aujourd'hui avec les Carabins puis les Rouges et Or. C'est juste ça qui m'inquiète. Si on n'aurait pas ça, là, je serais très, très, très inquiet pour l'avenir du football à Montréal. Mais c'est ça, je pense, qui va sauver. Je sais pas si Ouais, je l'espère parce que moi, Ouais. Tu as pu remarquer, je suis un grand amateur de football et je trouve que c'est un beau sport. On a besoin des alouettes qui redonnent espoir à nos partisans et que Pascal, ça continue là, sur la bonne tu voie. demeures à Québec. On sait que c'est mort, le projet de la Ligue canadienne de football à Québec. C'est mort, c'est enterré, on n'en parle même plus. Puis ça a déjà été existé. Il y a le maître Bellemare qui a parti ça. Mais s'il y a un promoteur qui revient. Parce que là, les gens étaient perdus avec les Nordiques, puis on voulait pas être trop les Nordiques, puis on voulait rien savoir de ce club-là. Mais s'il y avait un promoteur, ce serait peut-être à lancer ce projet, une équipe de la Ligue canadienne à Québec. Tu sais. Écoute, je pense qu'il y a un potentiel à Québec Ah oui, il y a un d'accueillir une équipe potentiel. professionnelle de n'importe quel sport. Probablement au football, on est à Québec, c'est une ville qui chasse ses équipes. Là. On le voit avec le Rouge et Or, on a une foule incroyable. C'est sûr que ça pourrait être. Mais ça, c'est une discussion qu'il faudrait faire sur une émission au complet ensemble. Ouais, c'est sûr. mais l'ajout d'une équipe de la CFL serait une bonne chose pour la Ben, Ligue. écoute, parce qu'à quelque part, écoute, à quelque part, c'est pas vrai, là, que le Rouge et Or joue quoi, 5 matchs, là, si on n'est pas capable de, puis les Canadiens, c'est 18, si on n'est pas capable de remplir 15 fois pendant l'année, on a un Non, problème, non, je pense qu'il y aurait il y a de la quelque place chose. pour Il y a les les deux. Maritimes aussi qui pourraient être intéressants, mais en effet, que ça serait le fun de voir une espèce de rivalité Québec-Montréal, mais en même temps, c'est ça. On est loin de ça, par contre. Non, non, et ouais, parce qu'il n'y a pas de promoteur. Mais s'il y aurait, mais je suis convaincu que là, les gens de Québec seraient peut-être plus à l'écoute, parce que les Nordiques ne vont pas intervenir. Pascal, on s'en reparle vendredi pour les demi-finales de l'Est et de l'Ouest. Bah, ben, demi-finale Est qui est avec une équipe de l'Ouest, mais on s'en reparle vendredi. C'est bon. Le collaborateur Pascal Masson.